Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la Marseillaise de Serge Gainsbourg. C'est une histoire de liberté d'expression qu'on a voulu bafouer. Mais ici, pas de meurtre, pas de barbarie, des mots durs, âpres, certains inacceptables. Mais c'est la démocratie qui s'exprime. Les armes ici, les armes etc., ce sont des mots, pas des kalachnikovs. À sa manière, Gainsbourg a mené un combat pour la liberté. La Marseillaise de Gainsbourg, c'est un refrain qu'on a tous en tête, porté par un rythme reggae entraînant aux armes, etc., devenu un classique. Et pourtant, en 1979, quand sort l'album éponyme de sa chanson phare boostée au rythme jamaïcain, c'est un scandale assourdissant qui éclate dans la société française. Provocation, outrage, honte nationale, la levée de boucliers touche le pays tout entier. Deux camps se font face. Une France qui dénonce l'atteinte à un élément patrimonial intouchable, une autre qui célèbre un acte civique et bienvenu. Et pour cause, tout le monde chante à nouveau et même se met à danser sur l'hymne français. Au centre de tout cela, l'instigateur Serge Gainsbourg, 51 ans à l'époque. Il fait coup double, il relance une carrière qui s'essouffle, conquiert un nouveau public. Cet épisode marque une rupture dans sa carrière, une autre route. À partir de ce jour, le Gainsbourg timide et pudique laisse place au Gainsbar, vantard parfois, mais superstar toujours. Alors, outrage prémédité ou hommage paradoxal, cette version reggae de la Marseillaise par Serge Gainsbourg? Remontons le fil de cette histoire pour mieux comprendre ce qui se joue artistiquement et socialement au cœur de cette France de la fin des années 70 et surtout pour essayer de cerner un chanteur à part en marge du célèbre triumvirat Brel-Brassens-Ferré. Iconoclaste et inclassable, il fut peut-être le plus talentueux qu'ait jamais connu la France. Notre invité aujourd'hui, Bertrand Dical, journaliste, spécialiste de musique, chroniqueur à France Info et auteur notamment du livre Gainsbourg en dit le son en 2009 chez Fayard. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui de Léa Dupouille et des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, lecture d'articles de presse Philippe Pirard, réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard, Grégory Wallon. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Serge Gainsbourg, la Marseillaise en reggae, c'est pas un peu de la provocation? Je pense pas. Je pense que le reggae, c'est une musique révolutionnaire. La Marseillaise est un chant révolutionnaire. Bon, qu'on danse dessus, on dansait bien sûr la Carmagnole. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Ben, on dansera sur la Marseillaise. Au moment où éclate le scandale, en 1979, Serge Gainsbourg est un artiste reconnu et important de la chanson française. La fin des années 60 et la décennie 70 l'ont vu changer de statut. À coup de provocation rafraîchissante, déjà avec les sucettes de France Gall jusqu'au duo torride de Je t'aime moi non plus, avec sa muse Jane Birkin, à coup de succès aussi, du Grand Prix de l'Eurovision de la même France Gall, jeune poupée de cire et de son en 1965, en passant par ses tubes en Harley Davidson et son hommage, provocateur de tueurs Bonnie and Clyde, encore avec Brigitte Bardot. Les années 70 voient Serge Gainsbourg réaliser coup sur coup des albums importants et réellement novateurs. L'histoire de Melody Nelson, Vue de l'extérieur, L'homme à tête de chou, de pure merveille musicale. Le chanteur semble toujours avoir un temps d'avance, que ce soit le rock, la pop, le disco. Il touche à tout et tellement bien. Lui, le peintre, qui n'est pas parvenu à trouver son style et qui a détruit toutes ses toiles, qui a quitté cet art majeur pour devenir le prince d'un art mineur, comme il s'amusait à le dire. Il semble si loin le temps du chanteur rive gauche des cabarets engoncé dans son costume sombre, l'air paniqué, dont on moquait la laideur du temps du poinçonneur des Lilas. À travers sa muse, Jane Birkin et le couple qu'ils incarnent tous les deux et qu'il met en scène, Serge Gainsbourg s'est débarrassé de certaines angoisses pour laisser libre cours à sa créativité et incarner un personnage de dandy, provocateur, poétique. Pourtant, à la fin des années 70, il semble marquer le pas. Une panne d'inspiration, peut-être. Déçu surtout de l'insuccès commercial de ses derniers albums, alors que marche à fond le tube disco léger et sans grand intérêt si Sex and Son, sorti au cœur de l'été 1977. C'est à n'y rien comprendre. Alors comme il l'a toujours fait, Serge Gainsbourg montre ses talents de visionnaire. Il s'attaque à un nouveau style, le reggae, avec un coup de génie. Une version de l'hymne national, la Marseillaise, rebaptisée pour l'occasion aux armes, etc., dans le pur style jamaïcain. Il n'en fallait pas plus pour se faire lever les boucliers d'une société française à deux visages, à la fois modernisée par l'après-68 et les évolutions de la présidence giscardienne, mais traversée par les élans conservateurs et réactionnaires dès qu'on touche aux symboles républicains et patriotiques. Souvenez-vous déjà la proposition de Valéry Giscard d'Estaing de ralentir l'hymne national. Elle avait provoqué des réactions d'hostilité, genre « touche pas au sacré ». Et puis la Marseillaise cristallise et cristallisera toujours ses tensions patriotiques. Du débat sur la violence de certains couplets, aux footballeurs qui ne la chantent pas, en passant par les spectateurs qui la sifflent, le chant des Français est forcément un symbole. Il n'en fallait pas plus à Serge Gainsbourg pour qu'il s'y intéresse. Revenons sur les traces de cette affaire très sensible. L'histoire de la Marseillaise de Serge Gainsbourg commence certainement ce jour de septembre 1978 à Paris, sous l'Olympia, dans la salle du Rose Bonbon. En ce dimanche soir de fin d'été, Philippe Lorichomme, le directeur artistique de Serge Gainsbourg, attend un groupe qui n'arrive pas. Pour patienter, les organisateurs font danser le public sur les tubes disco, punk et reggae du moment. C'est à cet instant précis, pendant ces quelques secondes suspendues, que le collaborateur privilégié du chanteur a une révélation. Le reggae, il faut aller en Jamaïque. Quelques heures plus tard, Philippe Lorichomme appelle Serge Gainsbourg et lui explique son plan. Confectionner un album entièrement reggae sur place, en Jamaïque. La réponse du principal intéressé ne se fait pas attendre. Banco, on y va. Le 12 janvier 1979, Serge Gainsbourg est le premier blanc à enregistrer dans le mythique studio Dynamic Sound à Kingston. Avec ses musiciens suivront entre autres Bob Dylan et Joe Cocker. Pourtant, l'accueil réservé à Gainsbourg et son acolyte est plus que glacial. Alors d'abord, les rapports étaient très durs. C'était un petit white, un petit Frenchy. Mais quand j'ai posé mes deux mains sur les claviers, ils ont dit, attention, c'est pas un rigolo, c'est un professionnel. Ils m'ont admis. Oui, il aura fallu 5 minutes à Serge Gainsbourg pour briser la glace et se faire accepter des artistes jamaïcains. Quelques notes de « Je t'aime moi non plus », seule chanson française qu'ils connaissent et dont l'auteur miracle est face à eux. Ils tombent sous le charme. C'est parti, l'enregistrement peut commencer. En 5 jours, l'album entier est mis en boîte. Le son est brut, sans fioritures, cash. Puis vient le temps des paroles. Comme à son habitude, le chanteur est entré en studio sans aucun texte écrit. La nuit avant l'enregistrement, il n'a rien. Il en a fait sa méthode. Il dispose face à lui des feuilles blanches sur lesquelles il indique les titres des chansons. Il pose tout sur le papier d'un seul jet. Le lendemain, Philippe Lorichomme l'aide à remettre de l'ordre dans ses brouillons et part. Puis ils partent pour le studio. De 11h à 2h du matin, non-stop, Serge Gainsbourg enregistre l'ensemble des chansons et affirme de nouveau et encore plus fort le choix du Talk Over, ce fameux parler chanté embué dans sa voix nicotinée. Le résultat est là, devant eux, après 5 jours d'enregistrement, rageurs, libres, un peu fous. Ils n'ont aucun recul, aucune idée de ce que ça donne. Ils sont sûrs d'une chose. Dans la chaleur et la fumée de ce studio, le résultat ne laissera personne indifférent. Dans cet album, on retrouve les thèmes chers à Serge Gainsbourg, son sens de la provocation avec Relax Baby Cool, l'autodérision avec Délai, et le fantasme érotisant avec Lola Rastaquare. Puis quelques chansons pour faire le nombre, Daisy Temple, Les Locataires. Enfin se glisse parmi les titres plusieurs reprises, La Javanaise, qu'il adapte en modifiant certains couplets en argot javanais, Marie-Lou Reggae, dont il fait une nouvelle version plus authentique, la reprise des Vieilles Canailles, un standard de jazz, enfin et surtout, Aux Armes, etc., version 100% reggae roots de la Marseillaise. Comme la plupart des Français, Serge Gainsbourg ne connaît pas la totalité des couplets de l'hymne national. Alors il ouvre un grand Larousse encyclopédique et fait cette découverte étonnante. Pour gagner de la place, les auteurs du dictionnaire ont remplacé à partir du deuxième refrain les paroles par « aux armes, etc. ». J'ai senti qu'il y avait là un tube, dira Gainsbourg a posteriori. Pour sûr, il y a un tube. Et quel tube ? Voici le résultat. Sanglant des deuils, son bras vengeur. Liberté, liberté chérie. Combat avec tes défenseurs. Gainsbourg et le riche homme rentrent à Paris le disque sous le bras. Mais le scandale n'éclate pas tout de suite. L'album est envoyé aux journalistes et programmateurs avec un texte écrit par Serge Gainsbourg et qui dit « Je rêvais de Jamaïque, de sa musique sur laquelle si aisément on peut cracher ce que l'on a, instinctive, animale, pure et contestataire, violente, sensuelle et lancinante, si proche de l'Afrique, si loin du gris anglais et du bleu ciel de Nashville et de L.A. » Comme souvent auparavant, Serge Gainsbourg a senti le vent tourner et il a sorti la grand voile. Le contexte est propice à la réception de cet album. Depuis un an, en effet, l'immense Bob Marley a explosé au niveau international avec l'album Kaya et le tube Edith's Love et tant d'autres. Le suicide de Sid Vicious, leader des Sex Pistols, marque brutalement le délitement du mouvement punk. Serge Gainsbourg s'inspire d'ailleurs fortement de l'audacieuse et provocante reprise par les Sex Pistols de l'hymne anglais God Save the Queen. Et puis surtout, le collage, le découpage, l'assemblage sont des techniques qu'il utilise depuis le début dans ses chansons, piochant allègrement un vers de Verlaine par-ci, une rythmique africaine par-là, supprimant quelques couplets de la Marseillaise ici. Le 1er avril 1979 démarre la promotion du nouvel album. Pour sa première télévision, Serge Gainsbourg chante en playback, cigarette aux lèvres et nonchalance assurée, sur incrustation de drapeaux bleu, blanc, rouge, barbe de trois jours et t-shirt jamaïcain sous la veste et ça marche. Au cours du mois suivant, il fait 6 plateaux télé. Déjà, les premières questions fusent sur la nouvelle provocation du chanteur. Il en a conscience, mais se défend de toute volonté antimilitariste. Il ne se trompe pas d'ailleurs quand il déclare « Ce n'est pas des dents que ça va faire grincer, c'est des dentiers ». Oui, les jeunes les suivent, les vieux le condamnent. Pour lui, il n'y a rien de dérisoire. La Marseillaise est la chanson la plus sanglante de l'histoire et la musique jamaïcaine, contestataire par essence, s'y prête particulièrement bien. Alors bien sûr, la question toute bête, la question de Monsieur Tout-le-Monde, mais quand même, ouais. Pourquoi avoir pris la Marseillaise ? Mais c'est moi, je trouve, c'est un acte de civisme. Il y a des couplets qui sont pas connus par les... La Marseillaise, parce que le reggae est une musique révolutionnaire. Musique révolutionnaire, pourquoi non, vous avez dit? Mais c'est une musique jamaïcaine révolutionnaire, parce que est très contestataire dans ses propos. C'est la musique des pauvres noirs. Pauvres jamaïcains, oui, pardon. Mais j'ai sucré les couplets de Roger de Lille, genre cher à Canon, s'il tombe, nos jeunes héros, la France en produit de nouveau, c'est un peu dur. Puis une strophe, dans la strophe des enfants qui dit nous entrerons dans la carrière, j'ai sucré ceci qui n'est pas de Roger de Lille, bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Vous savez, je suis passé à Lyon il y a 15 jours devant des enfants qui pourraient être mes enfants. Il y avait 2000 jeunes garçons et filles qui chantaient avec moi aux armes, etc., le poing levé. Il s'est passé quelque chose. Ce que je voudrais essayer de comprendre, Serge, est-ce que vous avez voulu tourner un peu en dérision tout ce qui se rattache à la Marseillaise? Il n'y a rien de dérisoire. Ou au contraire, je regrette, c'est très héroïque, cette façon de jouer. Un mois après le lancement de la promotion, Philips lui remet le premier disque d'or de sa carrière. Plus de 100 000 exemplaires sont vendus en quelques semaines. Le 6 mai 1979, il est pour la première fois numéro 1 du hit-parade de RTL, avec la chanson, justement, « Aux armes, etc. ». Il devance Supertramp, Elton John, Village People, les Bee Gees, Gloria Gaynor, excusez du peu. En juin, répondant à une invitation du groupe Bijou qui avait fait une reprise de sa chanson Les Papillons Noirs, Serge Gainsbourg remonte sur scène avec les jeunes rockers. Ensemble, ils adaptent et reprennent trois morceaux. Betty Jane Rose, La Marseillaise Reggae et Relax Baby Cool dans une version très rock. Le clan, le clan, la cagoule. Autour de nous, le sang coule. À la mort, il y a foule. Voilà 15 ans qu'il n'est pas remonté sur scène. C'était en 1964. Il faisait la première partie de la tournée de Barbara. Ça s'était plutôt mal passé. Mais ça, c'était avant. Là, il est comblé, aux anges. Les kids, comme il s'amuse à les appeler, ce jeune public nouvellement conquis, le suivent et l'acclament. Il prend sa revanche. L'expérience avec Bijou se prolonge sur plusieurs dates. Mogador, le Palais des Sports de Paris, la Bourse du Travail à Lyon. Le succès de l'album Aux Armes, etc. se confirme avec la promotion des autres singles, Délai et Vieille Canaille. Face à ce succès, certaines voix s'élèvent. Une, en particulier, par qui le scandale va arriver. Le 1er juin 1979, l'affaire de la Marseillaise prend corps lorsque Michel Droit, journaliste et ancienne voix toute gaulliste de l'ERTF, qui donnait toujours l'impression de s'excuser en posant des questions au général lorsqu'il l'interviewait, autre temps, autre mœurs, cet homme-là publie dans le Figaro Magazine un texte à charge contre Serge Gainsbourg et son interprétation de la Marseillaise. Un rythme et une mélodie vaguement caraïbes, à l'arrière-plan, un chœur de nymphettes émettant des onomatopées inintelligibles, et au ras du micro, une voix mourante, marmonnant, exhalant comme on ferait des bulles dans l'eau sale, des paroles empruntées à celles de la Marseillaise. Souvent, Gainsbourg avait donc cherché, non sans un certain succès, le scandale par différentes sortes de provocations à la mode. Mais celle-ci, ne cessant de reculer les limites de l'impudeur et de l'exhibitionnisme, il lui a bien fallu trouver autre chose. Il s'est donc tourné cette fois vers la profanation pure et simple de ce qui, depuis près de 200 ans, compte parmi ce que nous avons de plus sacré. La vomir ainsi par bribes éparses, jamais nous n'avions entendu cela. Et encore, l'entendre est une chose, mais le voir. L'autre jour, sur les écrans de la télévision, nous l'avons vu, Serge Gainsbourg. Ah, pour nous bavoter sa Marseillaise, il avait peaufiné sa tenue de scène et soigné l'expression, le geste, l'attitude. Œil chassieux, barbe de 3 jours, lippe dégoulinante, blouson savamment avachi, main au fond des poches, bref. Plus attentivement délabré, plus minutieusement débraillé, plus définitivement crado que jamais. Dans cette première partie du texte se retrouvent les arguments de la position conservatrice. Atteinte au patrimoine national, insulte aux anciens combattants et décadence de la société qu'incarne Serge Gainsbourg et son allure débraillée. Michel Droit prolonge un combat commencé quelques années auparavant déjà contre le dernier tango à Paris, la mini-jupe, le pop-art, mai 68 et la pilule. Boris Vian, qui a inspiré Serge Gainsbourg, avait déjà choqué avec son déserteur, Brassens avec la tondue ou la guerre 14-18, et plus proche encore, Maxime Le Forest avec sa chanson « Parachutiste ». Mais c'est dans la deuxième partie du texte de Michel Droit que se nichent les ingrédients du scandale. Et puis, il faut bien aborder, pour finir, l'aspect le plus délicat et qui n'est pas le moins grave de cette minable, mais aussi odieuse chienlit. Beaucoup d'entre nous s'alarment, souvent à juste titre, de certaines résurgences dans notre monde actuel, d'un antisémitisme que l'on était en droit de croire enseveli à jamais, avec les 6 millions de martyrs envoyés à la mort par son incarnation la plus démoniaque. Or, dans ce domaine de l'antisémitisme, chacun sait que, s'il y a des propagateurs, il peut y avoir aussi, hélas, les provocateurs. Alors je dis, en pesant mes mots, que Serge Gainsbourg vient inconsciemment, je veux bien le croire, de se ranger dans cette dernière catégorie. Il n'est évidemment pas un homme de bonne foi qui songerait à associer cette parodie scandaleuse, même si elle est débile, de notre hymne national et le judaïsme de Gainsbourg. Mais ce ne sont pas précisément les hommes de bonne foi qui constituent les bataillons de l'antisémitisme. Était-ce donc bien le moment de fournir à ceux-ci une méchante occasion de faire bon marché de tous les juifs de France qui ont souffert et qui sont morts avec, en plus de leur foi, la Marseillaise au cœur, pour celui qui ose la tourner ainsi en dérision afin d'en tirer profit au guichet de la SACEM. Cet éditorial met le feu aux poudres, le rappel de l'origine juive de Serge Gainsbourg et surtout sa supposée responsabilité dans la résurgence de l'antisémitisme choque profondément une partie des Français. Serge Gainsbourg est profondément touché par cette attaque, lui le fils de ces immigrés russes qui ont fui la révolution d'octobre 17, lui qui pendant l'occupation a porté l'étoile jaune et échappé de peu aux milices vichistes. Le 16 juin 1979, pour désamorcer une politique qui prend de l'ampleur, une polémique qui prend de l'ampleur, le Figaro Magazine publie trois témoignages de lecteurs juifs qui soutiennent la position de Michel Droit. C'est le lendemain que Serge Gainsbourg décide de publier sa réponse dans Le Matin Dimanche, elle est cinglante. Peut-être que Michel Droit, journaliste, médaillé militaire, croisé de guerre 39-45 et croix de la Légion d'honneur dite étoile des braves, apprécierait-il que je mette à nouveau celle de David, que l'on est somma d'arborer en juin 1942, noir sur jaune? Et ainsi, après avoir été relégué dans mon ghetto par la milice, devrais-je, 37 ans plus tard, y retourner, poussé cette fois par un ancien néo-combattant? Et serais-je donc, jusqu'au jour de ma mort, qui ne serait tardé, je l'espère pour cet homme, un juif de moins en France, pourra-t-il dire alors, condamné à faire et à refaire inlassablement le flashback d'un adolescent dans Paris occupé, Lucien Gainsbourg, dit Serge Gainsbourg. Le jeu de ping-pong médiatique se prolonge. Tous les quotidiens français prennent position, relaient les témoignages, les éditoriaux des défenseurs de l'un ou de l'autre. Michel Droit récidive en publiant une réponse à la réponse dans laquelle il parle de salmigondi, de rythme à la mode venu d'ailleurs, de proxénète. En réaction, Serge Gainsbourg s'amuse à propager son sens de la formule « On n'a pas le con d'être aussi droit ». Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non ? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, hein, semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pauvre con. De déclaration choc en papier accusateur, l'affrontement autour de la Marseillaise reggae devient très concret, en particulier à travers les associations d'anciens combattants et celles des parachutistes. Une séance de dédicace avec Serge Gainsbourg est prévue le 28 septembre 1979 à la Foire internationale de Marseille. C'est le moment choisi par l'Union nationale des parachutistes pour sortir du bois. Dans un communiqué, elle déclare vouloir s'opposer par tous les moyens à cette séance de dédicace et va même plus loin. Elle va tout faire pour interdire la vente du disque dans la ville. La Marseillaise finit par bien porter son nom puisque c'est dans la cité phocéenne que l'affaire prend cette tournure politique. Gaston Defer, le maire socialiste de la ville, prend la défense de Gainsbourg et accuse, au-delà du groupe de parachutistes, l'action gouvernementale. J'ai téléphoné à Marseille cette nuit, ce matin, cet après-midi. Oui. Je demandais que toutes dispositions soient prises. Oui. Qu'au besoin, le lieu où Gainsbourg devait vendre ses disques soit modifié pour qu'il puisse venir à Marseille. Au besoin sous la protection de la police républicaine et que soient mis en échec les menaces inadmissibles, scandaleuses de ces groupes de parachutistes. Le jour où nous accepterons qu'un groupe de parachutistes ou de qui que ce soit fasse la loi en France, nous ne serons plus en République ni en démocratie. Nous ne sommes déjà plus complètement en République ou en démocratie pour que des hommes comme cela se permettent une chose pareille. La conclusion que l'on peut tirer de cet incident, c'est qu'il y a aujourd'hui un climat en France qui permet à des hommes qui ne cachent pas leur identité de tenir des propos pareils. Cela n'aurait pas été possible il y a quelques années. C'est le fruit de la politique gouvernementale. La séance de dédicace n'a finalement pas lieu. Le gouvernement apporte une réponse très centriste par l'intermédiaire de Maurice Plantier, secrétaire d'État aux anciens combattants. Il réunit les différentes associations de paras à Nice et leur promet de faire tout son possible pour limiter à une par semaine les diffusions des titres aux armes, etc. Serge Gainsbourg s'en moque, persiste et signe. Son succès, il est bientôt disque de platine et ses quelques apparitions sur la tournée de Bijoux lui donnent envie de retourner sur scène. Alors, en un temps extrêmement court, il monte son spectacle. Il réunit autour de lui les musiciens Rasta de son album. Puis, il décide de tenir son show au Palace de 22 au 31 décembre. Un choix logique, le Palace, à cette époque, c'est le royaume de la nuit, de la jeunesse mondaine. Il vient donc à la rencontre de ce nouveau public, ces kids, ces jeunes debout, qui dansent. Pour la première, le tout Paris s'est pressé pour le voir. Roland Barthes est là, Karl Lagerfeld, Louis Aragon, Rudolf Nureyev, François Hardy. Oui, ils sont tous là. Quant à savoir s'il va interpréter la Marseillaise reggae sur scène, sa position est nette et précise, comme il le dit à un journaliste venu l'interviewer pendant les préparatifs du spectacle. Vous allez la chanter, la Marseillaise, sur scène, même s'il y a des paras? Pas seulement la chanter, je vais pas seulement donner 4 couplets, je vais faire l'intégrale. Je pense que ça va faire une quinzaine de minutes. Même s'il y a des paras dans la salle? La Marseillaise est également à moi, et à tout le monde, enfin à tout français. La tournée doit ensuite se poursuivre dans les premiers jours de janvier à Lyon, puis à Bruxelles, avec une halte à Strasbourg, le 4 janvier 1980. Strasbourg, la ville où Rouget de Lille a composé la Marseillaise. Dès la veille, la tension est forte dans la ville. Le colonel Jacques Romain des Fossés, président de l'Union nationale des anciens parachutistes, section Alsace, demande au maire de Strasbourg que le titre polémique ne soit pas chanté pendant le show. Le jour du spectacle, au micro de France Inter, il réaffirme cette position. La Marseillaise, eh bien, c'est le chant de guerre des Français. C'est le chant de la foi dans la France. C'est le chant de la foi dans la grandeur de la patrie. C'est le chant qui exprime la volonté de se sacrifier. Alors, que les Jamaïcains ignorent la Marseillaise parce qu'ils ne la connaissent pas sous la version reggae de M. Gainsbourg, mon Dieu, ça n'a vraiment aucune importance. Le personnage de M. Gainsbourg m'a diffère. Il appartient à une catégorie d'hommes. Il s'est défini lui-même Rastaquer. Il se définit Gainsbourg et ses Rastas. Malheureusement, nous en voyons beaucoup de ces gens-là. Nous considérons que c'est une espèce de signe de décadence de l'humanité que de voir des gens comme cela. Chauffer à blanc les paras de Strasbourg, ils le prouvent. Ils se sont procuré une soixantaine de places pour le concert qui se tient dans le hall de VAC. Ils ont un plan bien précis, se positionner au premier rang et intervenir au moment où Serge Gainsbourg commencera le titre qui fâche. Le public est entré, les paras aussi, bérets rouges vissés sur des têtes patibulaires, mais presque, comme disait un autre grand personnage de la scène française à l'époque, Coluche. Et les paras commencent à distribuer des tracts aux couleurs nationales. Une partie des 3000 personnes présentes réagit, les cris fusent. « Ta France pépé, tu peux te la garder !» En face, ça riposte « Débraillé, sale petit connard !» Caricature du conflit de génération. Le ton monte. Derrière le rideau, Serge Gainsbourg essaie vainement de rassurer Sam, le manager des musiciens jamaïcains qui commence à prendre peur. Le chanteur est confiant. Les paras ne pourront rien faire face aux 3000 fans qui le soutiennent. Il envoie Sam chercher les musiciens. Mais lorsque celui-ci arrive à l'hôtel de la troupe, les clients ont été évacués. Une fausse alerte à la bombe a été lancée. Les musiciens réfugiés dans le bus sont terrifiés, complètement dépassés par un événement dont ils sont finalement très éloignés. Abandonné par son groupe, Serge Gainsbourg décide de monter seul sur scène pour annoncer l'annulation du concert. Le reste, il le raconte et le provoque. À Strasbourg, évidemment, tout le monde connaît l'affaire. Je me trouve en face de moi-même. Il y avait un mec en face de moi, c'était moi. Alors, alerte à la bombe. Puis je vois passer les chiens policiers, les pompiers, les CRS, les flics, les gardes du corps. C'était assez éprouvant. Hein. Alors, j'ai dit, tu as des balls, des couilles ou t'en as pas? Ben, tu vas y aller. Bien. Je voudrais vous dire qu'un groupe d'extrême droite a fait annuler ce concert. Attendez. Parce que mes Jamaïcains ont eu... Ce n'est pas leur problème. Ils viennent de Kingston. Ils ont été effrayés par les déploiements de forces de police et par les alertes à la bombe qui ont eu lieu dans tous les hôtels de la ville. Je suis un insoumis et qui ai redonné à la Marseillaise son sens initial. Et je vous demanderai de la chanter avec moi. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Accompagnés par les CRS, les paras sortent sous les sifflets, les crachats de la foule, non sans un dernier bras d'honneur de Serge Gainsbourg, en guise d'au revoir. Le chanteur a réussi son coup finalement, il sort la tête haute de cette affaire. Il n'y a qu'à voir la réaction du colonel Jacques Romain Desfossés qui dit à la sortie du concert, Gainsbourg s'est rendu compte qu'il y a des gens qui aiment la vraie Marseillaise. Dans la nuit, il rejoint ses musiciens à Bruxelles. Le lendemain, il est assailli par les journalistes locaux. Les images de la veille ont tourné en boucle. Chacun y trouve la victoire qu'il peut. Michel Droit savoure et estime l'ordre rétabli. Serge Gainsbourg aussi. Match nul. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la Marseillaise de Serge Gainsbourg. Notre invité que nous retrouverons dans une petite minute, c'est le journaliste Bertrand Dical, spécialiste musique, chroniqueur à France Info et auteur du livre Gainsbourg en dit le son. Match nul, c'est sans compter la dernière estocade portée par le chanteur un an après, en décembre 1981, lors d'une vente aux enchères à Versailles qui attire plus de journalistes que d'habitude. Ce manuscrit est écrit entièrement et signé par Rouget de Lisle. Il est daté à la fin de Choisy le roi, 7 août 1833. Nous vendons également, pour accompagner ce manuscrit, la lettre d'envoi de Rouget de Lisle à Cherubini, lettre dans laquelle il lui annonce l'envoi de ce manuscrit de la Marseillaise, qu'il désigne ainsi, une de mes vieilles sornettes. Eh bien, nous allons mettre en vente cette vieille sornette en commençant à 40 000 francs. 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000, 135 000 Oui, j'étais prêt à me ruiner. Alors le retour de Versailles, quand j'ai fait l'acquisition de cet objet, retour était historique. J'avais un garde du corps, pas pour moi, hein, parce qu'un garde du corps, ça fait jamais que deux morts. On se fait flinguer à deux. C'était pas pour moi, c'était pour la Marseillaise. Je voulais me faire garder la Marseillaise. Donc j'avais pris un garde du corps, qui est un videur du palace. Fifi, polonais. Ma petite gonzesse, c'était Bambou, Eniac. Moi, je suis russe, juif. Et la voiture, c'était une Chevrolet américaine. Et sur la banquette arrière, il y avait le manuscrit de la Marseillaise. C'est étonnant. Étonnant. Le chanteur, dans son grand imper beige, lunettes de soleil vissées sur les yeux, ricane. Il vient de dépenser 135 000 francs pour le plaisir d'une ultime provocation et d'une victoire sur l'autel de la patrie. « J'ai mis les paras au pas », déclarera-t-il sur un plateau de télévision quelques jours plus tard, et la société tout entière se trouve envoûtée par le coup de génie de Serge Gainsbourg. Mais si le chanteur achète ce manuscrit, c'est aussi parce qu'il sait qu'il porte l'inscription d'une belle revanche. En effet, sur ce document inestimable, car rédigé de la main de Rouget de Lisle, à l'endroit des refrains, l'auteur de l'hymne national n'a pas pris le temps d'écrire à chaque fois les célèbres paroles. Il y a tout simplement inscrit, mais oui, c'est vrai, aux armes, etc. Cette histoire est aussi celle d'une métamorphose. Serge Gainsbourg, déjà célèbre et reconnu pour son talent d'auteur exceptionnel, est à présent couronné de succès en tant qu'auteur-compositeur. Le temps d'un album, il dépasse le Johnny Hallyday et devient une superstar. Lui, le timide et réservé Gainsbourg, se transforme en Gainsbar, bête médiatique, l'homme par qui le scandale arrive, dont chaque apparition télévisée promet son lot de provocations et de bouffonneries, plus ou moins bien senties, il faut le dire. La revanche de Serge Gainsbourg se transforme en descente aux enfers. Alcoolique et tabagique, colérique et schizophrénique. Cette lente décadence provoquera sa rupture avec Jane Birkin, l'amour de sa vie, celle qui le faisait tenir debout et en vie. 11 ans après le scandale de la Marseillaise, le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg meurt chez lui, rue de Verneuil. Il laisse une œuvre exceptionnelle de qualité, surtout intemporelle, ce qui est la marque des grands. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, décidé que tu t'en allais. Le conte avait commencé. Des vertiges, des veines, qui sait. Un voyage, un seul aller, au long cours. Bonjour Bertrand Dical. Bonjour Fabrice. Merci d'avoir gravi les deux étages qui nous séparent de France Info pour venir dans ce studio de France Inter nous parler de Serge Gainsbourg, puisque vous avez écrit Gainsbourg en guilson. Vous êtes jeune, hein, donc je vais quand même vous demander quel souvenir vous avez de cette affaire. Vous ne deviez pas être bien grand. Oh, moi, c'est un souvenir de lycée. Hein. Ah, quand même. Oui, j'étais au lycée. Alors, vous faites jeune. Bon. Merci. J'étais au lycée et c'est vrai, alors moi, j'ai un double souvenir un peu différent de beaucoup de Français. J'ai à la fois un souvenir français qui est que, bon, bah, c'est la Marseille. C'est notre hymne national. J'ai des parents qui sont plutôt tolérants, donc ça les gêne pas. Ça les fait plutôt rire, cette histoire de Marseillaise en reggae. Mmh. Ils comprennent bien quel est le propos. Mais ça se passe aux Antilles, parce que je suis antillais, ça se passe en Guadeloupe. Et pour nous, c'est à la fois un très bon album français et c'est un formidable album de reggae. C'est quelque chose dont on parle très rarement en France. Mais la qualité de cette musique-là. C'est extraordinaire. Mais c'est Sly Dunbar, Robbie Shakespeare. Et leur groupe, c'est vraiment... C'est pas l'apogée de l'art de Sly Dunbar et Shakespeare, mais c'est vraiment, si on devait faire le compte des 100 meilleurs albums de reggae de toute l'histoire du reggae enregistré en Jamaïque, il y a cet album-là pour sa qualité musicale qui est absolument exceptionnelle. C'est-à-dire que Gainsbourg va pas enregistrer un album de reggae avec des musiciens de reggae, comme si on l'avait envoyé à Trinidad faire un album avec des musiciens de calypso dans un hôtel. Non, non, là c'est vraiment le sommet des artistes de reggae qui sont à leur sommet de créativité. Donc c'est vraiment à la fois, pour beaucoup d'entre nous, c'est à la fois un vrai choc musical et un choc sur les paroles et sur ce truc qui est absolument vrai, que il y a quelque chose de la Marseillaise telle qu'on nous l'a apprise à l'école, telle qu'on nous a appris la Marseillaise, la Révolution française, le peuple de Paris qui se soulève, 92, la patrie en danger, la France entière qui se mobilise derrière ses armées, Valmy, Gemap, enfin tout ça, et ben c'est dans cette chanson. Et le fameux couplet des enfants: nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière à la trace de leur vertu. C'est vraiment, on le découvre, et en même temps, bizarrement, ça nous parle. Ça nous parle presque plus que aux armes, fussent aux armes, etc. C'est vraiment un couplet qui, Gainsbourg s'en rend certainement pas compte quand il l'enregistre, mais c'est ce couplet qu'on n'a jamais entendu quand on entendait la Marseillaise à la radio ou dans les cérémonies officielles, c'est ce couplet-là qui nous retourne la tête. Et à votre avis, qu'est-ce que ça dit de la société de l'époque, cette montée de bouclier d'une France conservatrice? Ben, ça dit qu'il y a certainement en France des choses qui sont disjointes. Le conservatisme, c'est pas forcément le patriotisme. Le patriotisme est pas forcément conservateur. Et d'ailleurs, souvent, il y a un contresens, et je pense que ce contresens s'est aggravé avec le temps. C'est qu'en 79, on se souvient bien qu'en 74, au moment de l'élection de Giscard, Gainsbourg a appelé à voter Giscard. Gainsbourg n'a jamais été un homme de gauche. Il ne le sera jamais. En 81, il n'appellera pas à voter pour Mitterrand. Gainsbourg est plutôt un homme de droite. Il est d'un anticommunisme viscéral, instinctif, épidermique. Après tout, ses parents ont quitté la Russie, ils ont fui à la fois l'antisémitisme et le bolchevisme. Il y a chez Gainsbourg quelque chose qui est assez paradoxal, mais qui bizarrement est presque plus compris aujourd'hui. C'est-à-dire que presque moins compris aujourd'hui, pardon. C'est-à-dire que à l'époque, il y a une espèce de mouvement qui n'est pas forcément un mouvement associé à la gauche. Giscard a changé des choses, et notamment, il nous a donné la majorité à 18 ans. Donc, moi, en 79, j'ai pas 18 ans. Et le droit à l'avortement pour les femmes. Et le droit à l'avortement pour les femmes. Non. Il y a des choses qui bougent dans la société, et on sent bien qu'il y a une espèce de mouvement de l'histoire, y compris le président de la République, et puis il y a les conservateurs, il y a les vieux cons, excusez-moi l'expression, il y a une France de croulants, et effectivement, Michel Droit l'incarne parfaitement, les parrains l'incarnent parfaitement, mais les parrains incarnent parfaitement l'absolue incompréhension dans laquelle ils sont, que quelqu'un qui joue avec des musiciens noirs, qui porte des nattes, qui n'a pas de cravate, qui est mal rasé, qui a fait « Je t'aime moi non plus » une dizaine d'années plus tôt, ils sont incapables de comprendre que cet homme peut vraiment aimer le drapeau. Alors, Bertrand Nical, on a insisté, et vous avez eu raison d'insister, sur la qualité, le génie musical de Serge Gainsbourg dans son essai, cette aventure reggae. Et on retrouve dans tous ses disques, c'est vraiment l'un des plus grands, sinon le plus grand, d'un point de vue musical. D'ailleurs, regardez, Alain Chamfort, en 79, chante Manu Reva. On aime bien Alain Chamfort, enfin, sa plus belle chanson, celle qui nous entre dans le cœur, c'est Manu Reva. Et comme par hasard, c'est Serge Gainsbourg qui l'a composé. Voilà, c'est ça les grands. Des jours tu dérives. Est-ce que cette chanson de Gainsbourg a créé un malaise parce que c'était Gainsbourg ou parce que c'était la chanson avec n'importe quel autre artiste, il y aurait eu scandale? C'est Gainsbourg, parce qu'il ne faut pas oublier que des parodies de la Marseillaise, il y en a des dizaines. Allez voir dans les films des Branquignoles, allez voir dans des films de Francis Blanche, dans des films de Louis de Funès. On utilise régulièrement la Marseillaise de manière bouffonne dans les musiques de films. On utilise régulièrement la Marseillaise dans les numéros de mime, dans les numéros de cirque. Gainsbourg lui-même a déjà utilisé la Marseillaise. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est en 67 dans une musique de film, 68 pardon, dans une musique de film, dans la musique du film Mr. Freedom de William Klein. Ils font une version un peu parodique, un peu délirante de la Marseillaise. Et évidemment, ça ne fait pas ce scandale. Quand les Beatles reprennent la Marseillaise pour All You Need Is Love, aucun commencement de début de tiers de scandale. Mais c'est vraiment Gainsbourg. Et c'est vrai que ce que vous avez bien souligné, c'est cette manière un peu contournée, un peu compliquée, un peu difficile. C'est ce numéro de contorsionniste que fait Michel Droit. Le problème, c'est quand même que Gainsbourg est un juif et qu'un juif chante la Marseillaise et défigure la Marseillaise. Ça pose problème. C'est ça le problème. Fondamentalement, c'est ça le problème. Et ça va d'ailleurs changer des choses dans la vie de Gainsbourg. Ça va changer son rapport au judaïsme. Oui. Ça va changer aussi son rapport à la France. Il va beaucoup plus s'interroger. Même sur ce qu'a été sa vie. Parce que ce que dit Gainsbourg en 79 et ce que savent tous ses intimes, c'est que Gainsbourg n'a quasiment jamais mis les pieds dans une synagogue, il n'a pas fait sa bar mitzvah, il n'a jamais mangé kasher. Le seul élément juif, entre guillemets, qu'il y a de sa biographie, c'est l'étoile jaune et le fait qu'il se soit caché pendant la guerre sous le nom de Lucien Guimbard. C'était son nom d'emprunt. Mmh. Et c'est amusant, hein. Gainsbourg-Gainsbard, juste après que ressurgisse cette mémoire-là. Cette mémoire de Lucien Guimbard, qui est le nom sous lequel il se cache. Et en fait, Gainsbourg connaît beaucoup mieux le catholicisme des Français que ce qui serait son propre judaïsme. Gainsbourg est un juif à qui on dit soudain, et pour la deuxième fois de sa vie, toi tu es juif. Bon, donc il y a un chemin identitaire là qui s'ouvre, et puis il y a aussi un comportement à partir de cela, avec quelques débordements. Il devient Gainsbourg, notamment. Tout le monde se souvient de ce billet qui brûle en direct à la télé. Vous vous souvenez de ça? Oui, et ce qu'on oublie, c'est sensible aussi. Hein, c'est un grand geste de droite. Mais oui. C'est-à-dire qu'il prend son briquet et son billet en disant « voilà ce que les socialo-communistes, avec leurs impôts, nous laissent ». Il emploie le mot « socialo-communiste », qui est vraiment une expression forgée par la droite, utilisée uniquement par la droite. Et on a le souvenir de ce type qui serait un rebelle anticonformiste, etc., mais plutôt de droite, mais plutôt poujadiste, dit-on à l'époque. Mmh. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui est curieux dans la vie de Gainsbourg à partir de 79, à partir de la gloire, qui est une gloire qu'il n'a jamais eue, qu'il a quémandée, qu'il a désirée, qu'il a rêvée pendant des années et des années, Et quand enfin elle arrive, il plonge dans la dépression. Il plonge dans l'alcool. Alors, il était déjà alcoolique, mais là, ça devient une folie. Il devient dans des débordements dans sa vie, dans des débordements de violence, dans des scènes absolument terribles avec ses proches et pas uniquement avec sa compagne. Il y a une vraie dépression. Et c'est vrai que d'un point de vue clinique, quand on regarde ce qui arrive à Gainsbourg pendant les 11 dernières années de sa vie, à partir du succès d'Aux Armes, etc., c'est vraiment une longue dépression et qui est une espèce de désastre existentiel. Alors, cette image de provocateur a un peu brouillé la perception de son œuvre aussi. Alors, il avait conscience d'avoir justement créé de son vivant une image particulière. On va écouter une archive très très courte, c'est 20 secondes, mais c'est précieux. On entend Gainsbourg, le regard qu'il porte sur lui-même, et il le transmet à une gamine de 13 ans, une ado de 13 ans qui l'interroge. Et vous aimez bien l'image que vous donnez de vous ? Oh, maintenant, elle est... Mon image est... Bon, je serais un peu dur de dire qu'elle est légendaire. Et disons qu'elle est mythique. Donc je ne peux pas la rejeter. J'existe. Voilà. Il a raison, il existe. Il existe. Et pendant des années, il a voulu exister. Faut pas oublier que quand on dit aujourd'hui que Gainsbourg a touché à tout, que Gainsbourg a touché à la musique brésilienne, aux musiques du monde, au jazz, à la chanson rive gauche, etc., il a fait tout ça parce que rien n'a marché. Il faut bien réaliser que 79, son premier succès, ses vrais premiers succès, il commence sa carrière en 58, de 58 à 79, il ne fait qu'un seul tube, Je t'aime moi non plus, un 45 tours qui paraît sous le nom de Jane Birkin, avec écrit en petit, avec Serge Gainsbourg. Et c'est vrai que c'est un drame, et c'est certainement ça la clé de la dépression des 11 dernières années de la vie de Gainsbourg. Il voulait être peintre, on lui avait dit « si tu veux être peintre, prends ton temps, avant 50 ans tu n'auras jamais de succès ». Il a choisi d'être chanteur, il n'a pas eu de succès avant 50 ans. Vous êtes un homme de Radio Bertrand, desquels je vous demande un exercice difficile. Il reste 25 secondes, en 25 secondes, dites-moi quelle place selon vous tient Serge Gainsbourg dans la chanson française. Il a cet avantage extraordinaire qu'il est un génie pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux chanteurs d'être éclectiques, d'être courageux, d'être provocateurs, d'être inventifs, de ne jamais être au même endroit. Pendant des années, on demandait aux chanteurs, à Maurice Chevalier comme à Georges Brassens, d'être toujours le même. Gainsbourg, il est pluriel, il est divers, il y a la javanaise, il y a la Marseillaise reggae, il y a Love on the Beat, il y a tout. Donc c'est le chanteur idéal pour aujourd'hui. Merci Bertrand Dical, je vous laisse repartir à France Info. Je rappelle que votre livre s'appelle Gainsbourg en guilson. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.